L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. La Terre est constamment bombardée par des météorites de plus ou moins grande taille. Les plus petites brûlent dans l'atmosphère. La Lune subit le même bombardement, mais n'a pas d'atmosphère. Ces impacts lunaires sont ainsi plus violents et plus nombreux. Le projet grec Néliota les détecte, nous offrant une meilleure compréhension pour finalement mieux nous en protéger. L'idée du projet Néliota, Near Earth Object Lunar Impacts and Optical Transients, est d'observer la Lune en continu en la filmant à 30 images par seconde entre le dernier quartier et le premier quartier durant 14 jours d'affilée. Néliota utilise un télescope de 1,2 mètre de l'Observatoire National d'Athènes qui est situé près de Kryoneri en Grèce. Les astronomes y ont installé deux caméras enregistrant deux longueurs d'onde différentes. Le but est d'imager les flashs de lumière qui sont produits par des impacts météoritiques dans l'hémisphère ombré de la Lune. Grâce à ces deux caméras, Néliota est le premier système de ce type à pouvoir déterminer la température de l'impact observé. Cette donnée permet par la suite, connaissant la luminosité de l'impact, et en faisant une hypothèse sur la densité de la météorite et sa vitesse, d'évaluer la masse et la taille de l'objet. Néliota a démarré ses opérations le 8 mars 2017. Il avait montré toutes ses capacités dès les tests de mise en service, en détectant 4 impacts en seulement 11 heures d'observation. La campagne de surveillance est prévue pour durer 22 mois. L'équipe de Alceste Bonanos, qui dirige le projet scientifique, estime qu'en 22 mois, le nombre de NEO, Near Earth Objects, astéroïdes géocroiseurs qui ont une taille comprise entre 10 cm et quelques mètres, sera beaucoup mieux connu. Car il faut savoir que dans cette plage de taille, le nombre de ces objets qui présentent un potentiel risque est encore très mal connu. Et ces météorites ne sont pas seulement un danger pour la Terre, mais aussi, plus simplement, pour de futures bases lunaires qui devront prendre en compte ces cailloux arrivant au sol en bien plus grande quantité que sur Terre. La collaboration Néliota tient à jour en quasi temps réel, avec un délai de 24 heures, tous les impacts détectés sur la Lune, avec leurs caractéristiques, heure, durée, magnitude, coordonnées. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller y jeter un œil, donc sur le site neliota.astro.noa.gr. Le projet Néliota est financé par l'Agence spatiale européenne. Vous trouvez le lien, bien évidemment, dans le billet sur Ça se passe là-haut. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr, Ça se passe là-haut, le blog, où l'univers des météores et des météorites, voire des astéroïdes, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, PodCloud, Stitcher, YouTube et tous vos lecteurs de flux RSS préférés. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, attention aux météorites, et les pieds sur terre. Allez, salut !